donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG pour suivre cette nouvelle émission de Johnny de A à Z, la 504e. Eh oui, en direct des studios de RIG 90.7 ou sinon vous pouvez écouter sur internet rigfm.fr. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission du mois de décembre. Et aujourd'hui, eh bien, je me suis inspiré de ce que peuvent dire les internautes dans les réseaux sociaux au sujet des albums de Johnny Hallyday, au sujet des sorties d'albums et tout ça, surtout sorti live. Il y en a beaucoup encore qui dorment dans les placards, aussi bien dans les maisons de disques que dans les maisons de radio, évidemment. Et donc, il y en a beaucoup qui s'attendent quand est-ce que ça va sortir. Mais dites-vous bien qu'il y en a pas mal qui sont sortis entre-temps. Depuis la disparition de Johnny Hallyday, il est sorti plus de 30 albums, 30 concerts inédits ou sinon en version alternative. Et donc, c'est ce que je vais vous faire découvrir ce soir tout au long de cette émission. Et donc, il n'y en aura plus pour 2 heures d'émission. Et si on commençait tout de suite avec le premier album live qui est sorti après la disparition de Johnny Hallyday, ce n'est pas un nouvel album, c'est plutôt des versions alternatives du Parc des Princes 1993 qui est sorti donc le 15 juin 2018 à l'anniversaire de Johnny Hallyday. Et il y avait des extraits, des multiples extraits de versions alternatives de quelques concerts, dont l'extrait que je vous propose, et c'était l'extrait qui méritait l'achat de cette compilation, du moins de ce nouveau coffret pour les 25 ans du Parc des Princes. C'était le titre « Ça ne change pas un homme ». On écoute ça tout de suite sur l'antenne de RIG et bonne écoute à toutes et à tous. Je n'ai pas cru les mots quand ils étaient trop beaux. Je n'ai pas pris les clés, je n'ai rien refermé. Mais je les ai usés, ces chemins buissonniers. Au mûrier de béton, le nez dans le goudron. Oui, j'ai grandi dans la rue, avec au bout des poings. J'étais son de refus, planté dans mon destin. Pour n'avoir rien voulu, je n'ai rien retenu. Pour n'avoir rien touché, je n'ai rien refermé. Ça ne change pas un homme, un homme ne s'habille. Ça ne meurt pas un homme ne s'assouplit. Ça ne change pas un homme. Ça ne meurt pas un homme. Je n'ai pas cru la vie, ni l'amour, ni les filles. Je n'ai pas pris le temps, je m'attendais devant. Et je les ai brûlés, mes châteaux de papier. Avec de vrais serpents, avec de faux semblants. Ça ne change pas l'homme, un homme s'habille. Ça ne meurt pas l'homme, un homme s'habille.

force m'a tenu, les snobs qui ont de moi, c'est un rocker, c'est un rocker. L'estomac de rocker se limite au cheeseburger. Les pauvres intellectuels, journalistes et quoi, s'emparent de ma musique pour écrire sur moi, c'est un rocker. C'est un rôle. Dans le contexte actuel de l'évolution sexuelle, hey! Tous les faiseurs de fric, les escrocs promoteurs, le fond de blancherie, le reste font tirer. Je suis rocker, yeah! Je suis rôle. Je chante ce que je veux à l'instant où je le veux, yeah. Oh, oh, oh, un peu par le loublin. Il y a un instant, on s'entend de diriger dans l'émission Johnny de A à Z, concert qui était diffusé le 24 juin 2017 à la télévision. Bonsoir. Chigampen. Bonsoir. Ça va, les amis? Bon, non, en tout cas, on est très heureux d'être là avec vous ce soir. C'est vrai. Ça va, là, non? Non, non, non, non, ça va pas. Ça va pas. Moi, je suis un peu comme à la maison. Ah, ben, c'est grand chez toi, lui. C'est grand chez moi, hein, aussi. Hein. Et en direct, évidemment, le 24 juin 2017 à Paris-Bercy, le Palais Omnisports de Bercy. Et puis donc, les maisons de disques se sont enfin entendues pour sortir ce concert 2 ans plus tard. C'était le 8 novembre 2019. En France, nous avons la pour en gros fêter les 2 ans de disparition de Johnny Hallyday. Pour les 2 ans de disparition de Johnny Hallyday, Universal avait sorti le coffret Olympia Story qui comprenait d'une part le premier coffret 18 CD et 2 DVD et également un coffret de 7 vinyles. On va écouter les extraits donc de l'Olympia 61, donc du 21 septembre exactement. Et voici un extrait bien trop timide et nous aurons aussi 24 000 baisers. Je vous demande si vous aimez ça. Non mais je vous demande si vous aimez. Je parle pas du micro, je parle de Johnny Hallyday, je parle de la musique. Bien. Ça vous plaît le rock'n'roll? Oui. Bon. Madame, je peux vous demander votre avis aussi sur le rock'n'roll? Non, moi j'aime pas ça. Vous n'aimez pas? Non. Pourquoi vous êtes venue alors? Parce que je suis venue, mais c'est la jeunesse aime ça, mais nous autres on aime moins. Bah, quel âge paraissez-vous? Quel âge avez-vous? Je sais bien que ce n'est pas galant de demander l'âge aux dames, mais enfin. Ah, j'ai 50 ans. Et vous n'aimez pas ça? Mais non. Alors, vous êtes venu. C'est Philippe. Vous êtes venu pour la première partie? Oui. J'ai beaucoup aimé ce petit jeune homme blond, là. C'est Johnny Hallyday. Mais Johnny Hallyday, ça, vous n'aimez pas? Pardon? Ce qu'il y a pour l'instant, vous n'aimez pas? Je n'aime pas. C'est pas que j'aime pas. Mais je préfère. Merci, madame. Madame, je vous demande votre avis? Oui. Vous aimez Johnny Hallyday? Ah oui, j'aime beaucoup, moi. Vous êtes venu pour ça? Ah oui. J'ai toujours des invitations à toutes les premières en principe, mais j'aime bien. C'est parti, tout Paris, c'est très différent. Et vous, monsieur? J'adore Johnny Hallyday. Ah, ma vie. J'adore Johnny Hallyday. Vous avez quel âge? 18 ans. C'est la première fois que vous le voyez? Non, c'est la deuxième fois. Vous allez à tous ses concerts? Je suis à Carpentras. Merci, monsieur. Vous voyez, un petit galop, la dame de 50 ans n'aime pas ça, le jeune de 18 ans aime ça. Mais les choses sont dans l'ordre. Qui se passe, petit chéri, plus je t'embrasse, plus j'ai envie de t'embrasser. Jamais c'est ça quand tu m'enlaces. Et comme je ne suis pas de glace, je ne laisserai pas ma place. Quand je te donne 24 000 baisers, et lorsqu'une fois centenaire, il nous faudra quitter la terre sans même faire une prière. Je suis bien certain que Saint-Pierre, voyant toujours sincère, me permettra de t'embrasser tout le temps de l'éternité. Johnny Hallyday, donc à l'Olympia 1962, c'était le 13 décembre, c'est bien ça, le 13 décembre avec les gens 24 000 baisers, et puis l'Olympia 61, c'était lors du Musicorama de Europe 1, et en qualité, on va dire de diffusion radio, voilà ce qu'ils ont pu faire, ils n'ont pas pu récupérer donc la version originale. On continue toujours Johnny Hallyday en 1962, l'Olympia 62, donc avec la soirée, avec un titre dans un jardin d'amour du 27 octobre en soirée, et on aura aussi également le titre Laissez-nous twister de l'Olympia 62 en matinée. Yeah. jolies fleurs qui a la beauté de plusieurs. Voilà pourquoi, oui pourquoi, mes amis, chaque jour je vis dans un jardin d'amour. Ses lèvres ont reçu du doux coquelicot, son rouge orange comme cadeau. Voilà pourquoi, oui pourquoi, mes amis, chaque jour je vis dans un jardin d'amour. Tomber amoureux d'une rose qui a le parfum du lilas, c'est avoir un peu de printemps toujours avec soi. Quand elle est là, oui c'est insensé, mon cœur s'enflamme d'un grand bouquet de joie. Mille boutons d'or ont mis dans ses cheveux l'éclat du soleil merveilleux. Voilà pourquoi, oui pourquoi, mes amis, chaque jour je vis dans un jardin d'amour. Yeah! Tomber amoureux d'une rose qui a le parfum du lilas, c'est avoir un peu de printemps toujours avec ça. Quand elle est là, oui c'est insensé, mon cœur s'enflamme d'un grand bouquet de joie. Mille boutons d'or ont mis dans ses cheveux l'éclat du soleil merveilleux. Voilà pourquoi, oui pourquoi, mes amis, chaque jour je vis dans un jardin d'amour. Voilà pourquoi, oui pourquoi, mes amis, chaque jour je vis dans un jardin d'amour. Voilà pourquoi, oui pourquoi, mes amis, chaque jour je vis dans un jardin d'amour. Voilà, mais comme le bon temps pour nous qui avons 20 ans. Le bon temps c'est maintenant, et laissez-nous twister. S'agit pas de vous moquer, mais arrêtez de nous blâmer. Nous dansons ce qui nous plaît, et laissez-nous twister. Twister, twister, à notre tour de danser. Hey, twister, ouais, twister, et laissez-nous twister. On ne vous reproche pas le tambour, le cha-cha, mais continuez à votre droit. Mais laissez-nous twister. Applaudissiez de votre temps, la même chose à vos parents. Laissez battre notre sang et laissez-nous twister. Oui, twister, twister, à notre tour de danser. Hey, twister, oui, twister, et laissez-nous twister. Let's twist. Malgré tout, revenez avec eux, essayez de twister. Les gens peuvent écarter avant de commencer à balancer, car vous n'êtes pas doué, mais vous aimez twister. Twister, twister, à votre tour de danser. Twister, ouais, twister, et laissez-le twister. Twister, à notre tour de danser. Hey, twister, ouais, twister, et continuer à décortiquer un petit peu ce coffret Olympia qui était sorti donc le 2 décembre 2019 dans le commerce. Et sinon, on l'avait en disponibilité le 1er décembre. Si vous alliez du côté de l'Olympia, allez voir la fameuse soirée Johnny Hallyday un soir à l'Olympia avec, pour regarder ce film, le film documentaire. Et on va retrouver également dans, dans les prochains titres, donc un titre de l'Olympia 64. Et on retrouve 3 CD donc dans ce coffret Johnny Olympia Story. 3 CD dont l'original. Et puis après, on a 2 soirées différentes, dont une totalement inédite, et on va voir cet extrait-là, Tu n'as rien de tout ça, suivi après de l'Olympia 1966 qu'on retrouvera, mais ça ce n'est pas une nouveauté, car on avait déjà eu ce petit concert de ce Musicorama de 66, donc quand on achetait la collection de Johnny Hallyday, voilà, qui sortait tous les 15 jours, il me semble, c'est bien ça, hein, mais bon, quoi qu'il en soit, on retrouve Johnny Hallyday à l'Olympia, 1964. Tu as l'air d'un ange, tu marches comme un ange, tu parles comme un ange, mais moi je sais, tu n'as rien de tout ça. Oh non, c'est faux, tu n'as rien de tout ça. Oh non, dans tes allures d'ange, ta façon de marcher, mon cœur a vu combien tu me mentais. Tu n'es pas ce que je croyais. Tu as l'air d'un ange, tu marches comme un ange, tu parles comme un ange, mais moi je sais, tu n'as rien de tout ça. Ah non, c'est faux, tu n'as rien de tout ça. Oh non. Je trouvais très étrange tous ces mots merveilleux. Je n'ai rien cru, tu sais trop bien mentir. Et même avec les yeux, tu as l'air d'un ange, tu marches comme un ange, tu parles comme un ange, et moi je sais, tu n'as rien de tout ça. Oh non, c'est faux, tu n'as rien de tout ça. Oh non, c'est faux. Tu n'as rien de tout ça. Oh non, c'est faux. Tu n'as rien de tout ça. Oh non, c'est faux. Sur la scène de l'Olympia, nous voyons un Johnny Hallyday qui vit pleinement, intensément. Là, il est heureux. Tendu, tu réclames ta liberté. Un père qui ne peut pas et ne veut pas comprendre. Il voudrait te voir derrière son établi, un marteau en main toute ta vie. Samedi soir, au cinéma. Et dans les froids moments de l'incertitude, il y a au plus profond de ta solitude donc le coffret Olympia en vinyle avec 7 vinyles intérieurs. On retrouvait dedans le double vinyle Olympia 61, le double vinyle Olympia 62, Olympia 65, Olympia 66, Olympia 72, Olympia 73 et Olympia 2000, uniquement les duos qu'on retrouvait. On reviendra tout à l'heure au duo. On va revenir maintenant à la version de l'Olympia 72 qui, elle, en gros, est inédite. Hein. Donc, c'est bien la version radio aussi. Ils n'ont pas pu récupérer la version originale de la radio. Donc, c'est un concert qui a été retravaillé à partir d'une bande pirate. Voilà. Et donc, ce concert était au profit de la Lyra. C'était le 13 octobre 1972. On retrouve John Hallyday nous interpréter Comme si je devais mourir demain. Retrouver un concert de meilleure qualité, l'Olympia 1973, qu'on connaît tous, ouais, en grande partie du moins, car celui-ci avait été déjà figuré sur le coffret History sorti en 2012. Et en extrait, il propose Comme un corbeau blanc. Charles Pia 1973. En continuant, on va finir à moins avec ce coffret Olympia Story et avec les trois CD de l'Olympia 2000. Donc on retrouve les deux, le concert sur deux CD et ainsi qu'un autre CD avec les duos, dont celui qu'on va écouter avec France Gall qui faisait sa dernière apparition sur scène le 12 août 2000. Et on entendra aussi également le titre Quelques cris qui date également du 12 août 2000. Voici tout de suite Quelque chose de Tennessee avec France Gall. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à nous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre peau vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Une volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Le rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Un peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Mais quelque chose de Tennessee. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie. Sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami. Ainsi disparu Tennessee. À certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Se rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee. France. qui ne vient jamais ou très rarement chanter avec mes amis. C'est mon grand plaisir ce soir de l'avoir avec nous. C'est vraiment toi qui m'a donné envie de remonter sur scène après toutes ces années. Merci Johnny. Je t'aime. Merci. Moi aussi. Au revoir. Dernière apparition scénique de France Gall qui mourait, qui disparaissait un mois après Johnny Hallyday. Toujours à l'Olympia, en l'an 2000, voici quelques cris. Foudroi. Quelques cris qui remplacera le, qui remplaçait du moins le titre Pardon à partir du 11 juillet 2000. On va fermer les portes de ce coffret Olympia Story. Cette émission parle donc de toutes les sorties live posthumes depuis la disparition de Johnny Hallyday. Il en est sorti plus de 30. Si vous voulez, on peut les compter au fur et à mesure. Moi, j'ai le petit détail sous les yeux. Et puis donc, je suis en train de vous le narrer tout ça tout au long de cette émission Johnny de A à Z, cette émission spéciale sortie posthume. On va revenir à, donc, on sait très bien que, une petite compilation est sortie le 6 décembre 2019 également. Ça s'appelait Un soir à Olympia, qui reprenait, c'était un mix, un petit best-of de tous les Olympiades de Johnny Hallyday. Mais lors de la soirée du 1er décembre, tous ceux qui étaient à l'Olympia, qui ont vu le documentaire Un soir à Olympia, il y avait une petite chanson, qui s'appelait Derrière l'amour, et Johnny Hallyday l'avait interprétée du genre pendant le flashback tour. C'était à l'Olympia, donc du 4 au 9 décembre 2006. Johnny avait fait 5 dates. On retrouve le titre Derrière l'amour. Ouais. J'aimerais chanter cette chanson pour les filles. Vous les garçons, vous pouvez écouter quand même. Mais cette chanson, mademoiselle, j'aimerais la chanter pour vous. Derrière l'amour, il y a toute une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose. Oui, il y a des tas de choses. Des pleurs qu'on garde sur le cœur, et des regrets et des rancœurs, des souvenirs éblouissants. Cette femme auprès de moi. Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais vraiment l'amour? Derrière ce grand rideau noir, tu m'interdis d'aller voir. Donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Aime-moi, aime-moi plus fort. Empêche-moi. J'ai besoin de te m'assurer et de ton souffle et de ta voix, de tes joies, de tes plaintes. détruire. Ainsi s'achèvent les sorties de l'année 2019. Nous voici en l'an 2020. On en parle juste après ça. Et te fumer, te cache à moi, pourtant tu es là. Et même la pluie vient déchirer ton souvenir en moi. Tous ces sens en rêve à présent, la vérité s'en va. Je reste là, ton parfait si beau que tu es là, ma tête tourne. Et je te vois, c'est bien toi. On évoque les sorties live de l'année 2020. Est sorti également donc le livre-disque Rivière au vaut ton lit. Et dans ce livre-disque, on retrouvait le concert du Palais des Sports en version intégrale et datant donc du 26 avril 1969. Donc un document de Europe 1 et également le concert de Port-Bacarès. Également dans ce livre-disque, Port-Bacarès qui était le 9 août 1969 qu'on retrouve tout de suite sur le temps de diriger dans l'émission Jolie de A à Z, avec ce titre, Voyage au pays des vivants. Vous écoutez l'émission Jolie de A à Z, ici sur RIG, la radio de Johnny. ne recommencerai. Je ne recommencerai. Je ne recommencerai. Je ne recommencerai. Et maintenant, maintenant, je veux vous entendre taper dans vos mains, tout le monde, oui. En 1969, une diffusion Europe 1. Cette fois-ci, on va rejoindre le Parc des Sceaux le 15 juin 2000. Et ce coffret vinyle, avec l'intégralité de ce concert, est paru le 12 juin 2020. On retrouve Johnny avec 100%. Il chante tout seul, en solo. J'ai pas toujours trouvé les mots pour percer tes rêves d'enfant. Ensemble, on est devenus grands. S'apprivoise au jour le jour. J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous qui commence aujourd'hui. de nos cœurs étaient sur la même longueur d'onde. Les lignes de nos mains se confondent. Tu me renvoies comme un miroir mes doutes et mes éclats de rire, la promesse d'un autre avenir. Ce qui reste en nous d'innocents, puisqu'on se comprend à présent. Peu à peu la douleur s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe. Au-delà de nos continue à poursuivre donc ces sorties posthumes live de 2018 jusqu'à 2022. Et enfin, en 2020, pratiquement 3 ans après la disparition de Johnny Hallyday, la maison de disques Warner sortait enfin un album, un coffret du moins qui s'intitulait Son rêve américain, avec un film avec Johnny faisant son dernier road trip et également un concert au Beacon Theatre. Ça, c'était donc le 23 octobre 2020, ça c'est pour le coffret, et le Beacon Theatre, c'était le 6 mai 2014. Chanter plus de chansons que vous en avez écoutées. j'ai cru trouver la terre promise quand j'ai cru rencontrer l'amour. Mais j'y ai laissé ma chemise et je suis reparti un jour. Solitude en solitude, je finirai bien par trouver. Avant de perdre l'habitude, tout bon, j'ai bien de faire bébé. La fille est la terre promise, toujours je cours après depuis toujours. Tant pis si j'y perds ma chemise, et je peux y trouver amour. Hey! La tournée US June Hallyday à New York au Beacon Theatre. C'était donc le 6 mai 2014. Et là, nous allons retrouver dans quelques instants. Oui, on va retrouver d'ici quelques instants un concert publicité par les fans depuis 17 ans. Donc, c'est le fameux Bercy 2003 qui est sorti le 11 décembre 2020. Et ce concert a été donné le 20 décembre 2003. Voici tout de suite Le Cœur en Deux sur Antenne de RIG dans l'émission Johnny 2 à Z. Je t'aime et j'en meurs, moi j'en suis sûr. ce sera ma dernière gloire. Merci beaucoup. Ouais. Cette chanson, une chanson que j'ai enregistrée il y a très longtemps, est une chanson que je n'avais jamais interprétée sur scène. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour moi de la chanter pendant cette tournée d'hiver pour vous. C'est mon petit cadeau de fin d'année. Je nous chantais cette chanson à Bercy il y a à peu près 19 ans. 19 ans déjà. On ferme cette page de l'année 2020 où donc nous avons eu 5 concerts inédits, hein, on va dire carrément, oui, c'est carrément 5 concerts inédits de Johnny Hallyday dans cette année 2020. L'année 2021 sera beaucoup moins vaste. Il n'y aura que 2 concerts. On va dire, on va donner pour raison ou pour cause la Covid, n'est-ce pas? On va commencer par même pas et encore, c'est une réédition avec le 4 juin 2021 pour l'approche de l'anniversaire de Johnny Hallyday est sorti le coffret piano Bercy 2003 et avec en extrait donc le DVD et aussi un extrait supplémentaire, c'était 2 titres, Maritella et voilà Shaking Going On datant du 21 décembre 2003. On les retrouve tout de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission. Merci beaucoup. Johnny de la Z. Eh oui. J'aimerais rendre un petit hommage ce soir à quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'envie dans le rock'n'roll, Monsieur Jerry Lee Lewis. Un petit clin d'œil. Shaking going on. I said, it's time on over, baby. We've got the chicken in the bar. Time on over, baby. We've got the chicken in the bar. We're shaking. Whole lot of shaking going on. I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. Shake it. I say the time I love a baby. Come on, let's rock and roll. Chicken in a bar. We ain't shaking. A whole lot of shaking. Go now. I said, shake, baby, shake. Baby, shake, baby, shake. Come on, shake, baby, shake. Shake, baby, shake. I said, come on over, baby. Let's rock and roll. We'll be right back. 6 mois plus tard, c'est Warner qui sort un petit best-of qui s'appelle Mon nom est Johnny, un best-of de la tournée US 2014. Et on retrouve là Hey Joe, mais une version beaucoup plus musclée encore que celle qu'on a entendue en 1967. Et c'était sorti le 10 décembre 2021. Cours pas comme ça, il y a pas le feu chez toi. Hey Joe, hey. Viens dire bonjour, il t'en mourra pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Qui m'attend chez moi, je le sais. Rien qu'un lit froid, sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, mais de quoi? Hey Joe, le chômage, les grèves. Tu t'en fous de tout ça? Comme tu dis la vie, c'est le métro à 6 heures et chacun pour soi. Mais pour toi, Joe, y'a toujours une place, mais pas pour moi. Pourquoi? Chance plein les doigts. Hey, hey, hey, Joe. En laissant ta marche dans le bois. Deux sorties live dans une réédition en quelque sorte, et puis après un petit best-of live qu'on retrouvera cette année évidemment, mais ça on en parlera d'ici quelques minutes. L'album Vie et le livre disque Vie est sorti le 28 janvier 2022, et dans ce livre disque on retrouve un concert inédit toujours distribué par Europe 1. C'est le concert de Cambrai qui a été diffusé le 4 septembre 1970. Voici un extrait, J'ai peur, je t'aime. Est sorti le 3 juin 2022 une nouvelle collection universelle qui s'intitule Johnny Archive Live. On retrouve Johnny Hallyday à Fréjus le 30 juillet 1966 et ce concert a été diffusé par RTL. Comme toi, cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe pas. Car pour moi, tu es la seule. Vincent, oui, te m'enlace, c'est me troubler. Vincent, oui, te m'embrasse, me fait crier. Pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. C'est si joli, mieux que ces filles dans les journaux. On peut voir les garçons arrêter le roto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie, car pour moi tu es la seule. Vraiment la seule. Vois-tu, ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon, oui, de murmurer, me fait rêver. Pour moi tu es la seule. Car pour moi tu es la seule. Oh la belle, la seule. journaux pour te voir les garçons arrêtent le roto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie, car pour moi tu es la seule. Vraiment la seule. Vois-tu, ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon, oui, de murmurer, me fait rêver. Pour moi tu es la seule. Car pour moi tu es la seule. Oui, car pour moi tu es la seule. Car pour moi tu es la seule. Oui, car pour moi, car pour moi, car pour moi tu es la seule. Car pour moi tu es la seule. Car pour moi tu es la seule. Car pour moi, car pour moi, car pour moi, car pour moi tu es la seule. Oui, car pour moi tu es la seule. Cette même collection, on retrouve également le concert de Grenoble du 10 février 1968 qui est sorti le 3 juin 2022. Mais ça, ce coffret, cette chanson, ce concert, on le connaît déjà, qui était apparu sur, dans le coffret Johnny History. Mais là, celle-là, ça, c'est un concert qu'on attendait depuis longtemps. Le Johnny Circus de l'été 1972, qui est également sorti le 3 juin 2022 dans la collection Johnny Archive Live. Pendant cette émission de l'Indo à Z, on retrace en gros toutes les sorties posthumes live de John Hallyday, donc depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à fin 2022. Et pour le coup, là, est sorti le 28 octobre, du moins à raison de un album par semaine, un coffret de 9 vinyles de la tournée US de 2014, ça c'est chez Warner, et ça a commencé le 28 octobre 2022 avec un coffret avec trois doubles vinyles à l'intérieur, et chaque semaine vous pouvez en récupérer un, et le dernier a été délivré, il a été délivré la semaine dernière le 9 décembre avec l'album New Orleans. On retrouvait les concerts de Los Angeles, de New York, ça on le connaît déjà hein, il était sorti l'année précédente, le concert de Montréal, de Toronto, de Washington, de San Francisco, de Houston, de Miami et de New Orleans également, voilà. Et je vais vous passer un extrait de Montréal et le titre Ma gueule. John Hallyday sur Antenne de RIG dans l'émission Julie de SL. Ouais, ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour planter quelqu'un tout autour. Mais quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux t'appuyer, viens, je rends la monnaie. Mais t'as rien dit, te l'a déjà dit. On ne va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis. Ah, ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oui, elle a une grande gueule. Oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine que j'y dois tout. Sans elle, je n'aurais dans jamais plané. Sans elle, je ne vaudrais pas un clou. Ma gueule, gueule viendra de rêver. Mais toi ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? De galère en galère, elle a fait toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée, irriguée. Elle ne m'a pas lâché du nombre, quand j'avais mal, même qu'elle pleurait. Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je m'en fous qu'elle soit belle, au moins elle est fidèle. Et c'est ma colline que je connais, et qui me laisse avec tout seul. Et je ne veux même pas en parler, une qui se fout bien. Quelques extraits encore de ses concerts de la tournée US 2014 de Johnny Hallyday. Là, on le retrouve à Bercy en 1987, exactement le 24 septembre, car est sorti depuis le 2 décembre le coffret Bercy avec des versions alternatives des concerts de 87, de 90, de 92 et de 95. 87, c'était le 24 septembre, 90 du 29 septembre, 92 du 25 septembre et de 95 du 23 septembre. Voici pendu à mon cou. Pendu à mon cou. Elle attend que je la caresse. Elle attend que je jure que son état d'ivresse. Parce qu'elle aime ça. Elle me pardonne tout. Même les pires maladresses. Oui, d'ailleurs elle s'en fout que j'ai une autre maîtresse. Elle est avec moi. Jamais vu une personne comme elle. Jamais rien dit personne comme elle. Jamais aussi fidèle. Oui, elle a connu tout. Toutes mes joies et mes tristesses. Serré dans mes bras. Elle me suit partout. Dans tous mes changements d'adresse. Et quand la vie se joue, elle redouble de tendresse. Serré contre moi. Et quand je me mettrai dans une caisse, je veux qu'elle me suive. Et qu'on forme à la même adresse. Et moi. Et qu'on écrive dessus. Oh, ils en ont pas assez. Lui, il avait besoin d'elle. Elle ne tenait pas debout. Sans lui. Jamais vu une personne comme elle. with said guitar la. Merci à présent, évidemment, vous avez reconnu hein, l'introduction. Je vais vous parler d'une fille que vous connaissez tous très, très, très, très bien. Et puis Johnny le fait tellement bien. Vous voyez qui je veux dire ? Oh ! Vous voyez qui je veux dire ? Elle bouge. Chaque soir, je veux pas. partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus essouffler ce t'écrit. Ils ont le chien sans faire le jour et ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut m'entendre. Ils ont le chien sans faire le jour et ma peine pour ça de l'amour. Ouais, j'ai refusé. Tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Oui, je veux t'expliquer que ton enfant est le jour et la nuit. Moi, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Je serai plus l'esclave de ta chair. Ils ont des chaînes sans voir le jour et ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut m'entendre. Ils ont des chaînes sans voir le jour et ma peine pour ça de l'amour. Ouais, j'ai refusé. J'ai refusé. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud! Il fait chaud ce samedi soir. Well, it's Saturday night and I just got paid. I'm trying to save money. Jenny, Jenny, Jenny, won't you go along? Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, plus tard, ça. Since my baby left me, I find a new place to dwell. Down at the end of lonely street, too. I'm waiting to tell the officer. Non, plus tard, tout ça. Ce soir, on a tout notre temps. Ouais. Gabriel, extrait du Bercy 90, version alternative du 29 septembre 90. Nous nous dirigeons vers le Bercy 1992, datant du 25 septembre 92. Toujours extrait de ce coffret Bercy, sorti par Universal. Voici La guitare fait mal. Dernière chanson, d'un amour blessé. Il y a la guerre quelque part, loin du café, comme un amour bizarre qui ne peut jamais rentrer. Tout ça est normal et la guitare fait mal. Le dernier extrait que je vous propose d'écouter de ce coffret Bercy, sorti le 2 décembre 2022, c'est le titre Lady Lucille, version alternative. Forcément sorti, c'est quoi? sur toi. Et de nous dire, on fait qu'il compte avec moi. La dernière sortie live actuelle sur Junior Day, c'est ce box 9 CD sur la tournée US 2014. Elle est sortie vendredi dernier, le 9 septembre 2022. Et en extrait, on retrouve Dead or Alive du Fonda Theater de Los Angeles. Et juste après, on retrouvera Miss Cloudy au House of Blues de New Orleans. Ainsi s'achève cette 504e émission avec toutes les sorties live après la disparition de Johnny Hallyday de 2018 jusqu'à 2022. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté et participé à cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Johnny Hallyday. A bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao!